Mesure Covid. Plainte pénale pour génocide déposée à La Haye. Kaum beachtet von der Weltöffentlichkeit. À peine remarquée dans l'opinion publique mondiale, la première procédure pénale internationale contre les responsables et les marionnettistes de la pandémie Covid-19 a débuté. L'ex-vice-président de Pfizer, le docteur Michael Yeadon, et un groupe britannique ont déposé plainte à la Cour pénale internationale contre ses dirigeants éminents et renommés. On les accuse entre autres de crimes contre l'humanité, d'infractions au code de Nuremberg, ainsi que de crimes de guerre et de crimes d'agression au Royaume-Uni ainsi que dans d'autres pays. La plainte a été reçue le 6 décembre 2021. Les plaignants demandent à la Cour pénale internationale d'arrêter d'extrême urgence l'introduction des vaccins Covid et celle des passes vaccinaux illégaux et toutes les autres sortes de guerres illégales contre la population du Royaume-Uni. Le groupe a produit des preuves que les vaccins Covid-19 sont en fait des thérapies géniques. Ils argumentent en disant que ces vaccins ont eu des effets secondaires considérables et qu'ils ont provoqué des décès. Les plaignants ont souligné que certaines publications scientifiques ont bloqué les études qui démontrent l'efficacité de médicaments tels que l'ivermectine et l'hydroxychloroquine. Ils affirment que la suppression de méthodes de traitement sûres contre le Covid-19 équivaut à un meurtre et justifie une enquête étendue de la part de la justice. Au-delà de cela, selon les plaignants, toutes les suites néfastes des vaccins et des mesures de confinement remplissent les critères du génocide, du crime contre l'humanité et des crimes de guerre contre la population du Royaume-Uni. Und Kriegsverbrechen gegen die Bevölkerung des Vereinigten Königreichs. Cela parce que les accusés, membres du gouvernement britannique et dirigeants politiques mondiaux, sont au courant de ces crimes et les commettent de manière intentionnelle. Les plaignants appellent cela des essais intentionnels de dépopulation et de déstabilisation sociale. Cela ferait partie d'un projet coordonné visant à consolider richesse et pouvoir dans les mains d'une petite minorité. Zitiert wird auch Vera Scharaf. Il cite aussi Vera Scharaf et d'autres survivants de l'Holocauste qui ont tracé des parallèles entre les mesures Covid et le début de l'Holocauste. Dans une lettre ouverte, ils avaient exigé des autorités médicales qu'elles arrêtent immédiatement cette expérimentation impie sur l'humanité qui viole le code de Nuremberg. Ils disent même qu'il y a un autre holocauste de plus grande ampleur qui se joue sous nos yeux. Les personnes suivantes ont été accusées. Dr. Anthony Fauci, directeur du NIAID, Centre de recherche des États-Unis. Dr. Peter Daszak, président de l'EcoHealth Alliance. Bill Gates, Melinda Gates. Albert Bourla, PDG du groupe Pfizer. Stéphane Bancel, PDG de Moderna. Pascal Soriot, PDG d'AstraZeneca. Alex Gorsky, PDG de Johnson & Johnson. Tedros Adhanom Ghebreyesus, secrétaire général de l'OMS. Boris Johnson, Premier ministre du Royaume-Uni. Christopher Rutte, conseiller médical du gouvernement britannique. Matthew Hancock, ex-secrétaire d'État britannique pour la santé et l'aide sociale. June Rain, directrice générale de produits médicaux et de soins britanniques. Dr. Roy Shah, président de la Fondation Rockefeller. Klaus Schwab, président du Forum mondial économique.